Neuvième chapitre. À partir de ce moment, ce ne fut plus un voyage que Madame Thouvenin fit faire à son fils. Elle l'entraîna dans une véritable fuite. Une journée pour Quimper, une pour Pinmar et Audierne, une pour Douarnenez, une pour Brest, deux jours au Conquet parce qu'elle s'y rendait sur l'invitation d'une amie, quelques heures à Plougastel entre deux trains et retour à Paris. La jolie femme trouva la cathédrale de Quimper très caractéristique à cause de ses deux flèches aiguës, les quais assez beaux, la promenade du Mont Frugis ombreuse mais escarpée, la ville triste. Elle ne s'intéressa nullement à la discussion des origines de Quimper, dans laquelle se plongea Siegfried. Elle ne tenait pas à savoir si le fondateur de la ville fut un Troyen fuyant l'Asie après la destruction de la capitale de Priam ou bien Gralon meurt, Gralon le Grand, conquérant venu de la Grande-Bretagne. Il lui importait aussi peu de connaître la cause du changement de Quimper-Audet en Quimper-Corentin. Emmanuel prenait au contraire un vif intérêt à tout cela, et fort heureusement pour lui, il avait là Siegfried toujours avide d'apprendre ce qu'il pouvait ignorer encore, d'approfondir ce qu'il savait. Le précepteur regrettait que l'orthographe des Gallos l'eût emporté sur celle des Bretons. Que signifie Quimper ? Rien. Impossible d'en trouver l'étymologie, au lieu que Quimper, ou plutôt Quimper, s'explique de lui-même. Kem avec, père ou bère radical de bara, couler. Couler avec, confluent, c'est tout simple. Pour un philologue qui connaît le bas breton, insinua Emmanuel, certainement. Une courte digression au sujet des lumières que l'étude philologique des noms de villes et de peuples peut jeter sur leurs origines était tout à fait en situation. Siegfried la fit et revint à Quimper. Confluent, ce n'est pas suffisant pour désigner une ville. Encore faut-il savoir quelles sont les rivières qui s'y réunissent. Par analogie avec le Quimper de l'Isole et de l'Ailé, qui est Quimperlé, celui de l'Audet et du Ster devint Quimper-Audet. Ce fut la résidence des rois et des comtes de Cornouailles jusqu'en 495, époque où Gralon le Grand le quitta pour Is, en laissant le gouvernement à Corentin, pour qui il y avait fondé un évêché. De là, Quimper-Corentin, fit Emmanuel. Et l'histoire de suivre, d'abord la puissance des évêques, puis les luttes de Blois et de Montfort et celles des ligueurs contre le roi. Dans la cathédrale, monument historique dont la construction commençait en 1239, ne fut achevée qu'en 1515, on trouve naturellement des parties d'époques diverses. Le chœur, de la première moitié du XIIIe siècle, est entouré d'arcades ogivales, reposant sur des piliers cantonnés de faisceaux de colonnettes. Les chapiteaux représentent des corbeilles chargées de fruits, de fleurs, de vignes et de guirlandes. Les portails latéraux sont plus récents d'un siècle. La nef avec ses bas-côtés à fenêtres flamboyantes offre le caractère du XVe siècle. Le transept et le carré central, dont la clé porte les armes d'Anne de Bretagne entourées de la cordelière, sont de la même époque. Quant aux flèches, ces flèches ajourées, élégantes, qui donnent à Saint-Corentin sa physionomie originale, elles ne remontent pas au-delà du Second Empire. Elles furent élevées à l'aide d'une souscription d'un sou par tête que s'étaient imposés les fidèles. Sur la façade du grand portail, dans un massif surmonté de deux fenêtres flamboyantes, un triple rang de figures d'anges court entre les deux tours. L'amortissement du gable supporte une statue équestre de Gralon meurt en grand costume royal très peu Moyen-Âge. Cette statue du roi Gralon donnait lieu jadis à une singulière cérémonie. La veille de la fête de Sainte-Cécile, un homme montait jusqu'au souverain, lui offrait à boire et jetait le verre sur la place où la foule était souvent assez compacte pour qu'il ne pût arriver jusqu'au sol et se briser. On donnait un louis d'or à celui qui était assez adroit pour s'en emparer. En sortant de la cathédrale, on fit un tour au musée, où l'on admira une noce bretonne avec les anciens costumes. Puis on visita les fabriques de poteries et de céramiques dans lesquelles Madame Thouvenin s'approvisionna de quelques vieux Quimper, tout battant neuf, mais aussi beaux que les anciens. Pour aller à Pinmar, on quitte le chemin de fer à Pont-l'Abbé où l'on prend une voiture. Pont-l'Abbé est le pays par excellence des brodeurs, sans doute parce que le costume s'y est mieux conservé qu'ailleurs. Ces épaisses broderies dans lesquelles domine le jaune d'or attirèrent l'attention de Madame Thouvenin par la perfection du travail et aussi par le style oriental des dessins. Admirer et désirer n'était qu'un pour la jolie femme. Elle s'enquit d'un atelier et s'y rendit aussitôt. Elle y apprit, non sans surprise, que la broderie occupe plus d'hommes que de femmes, et elle vit, avec plus de surprise encore, les ouvriers conduire leurs dessins à leur gré sans avoir besoin qu'ils fussent tracés sur l'étoffe. Pour Siegfried, ce qui l'intéressait à Pont-l'Abbé, c'était le bigouden, cette singulière coiffure des femmes, et surtout le type de la population. Les hommes grands, forts, ne sont pas beaux. Les femmes, plus grandes, plus carrées, plus massives encore, sont absolument laides. C'est une race à crâne osseux, à traits grossiers, qui diffère autant de la race à tête ronde, à cheveux bruns, avec des yeux d'un bleu sombre, qu'on considère comme indigène, que de la race venue de la Grande-Bretagne à l'époque de l'invasion des Jutes et des Saxons, race d'hommes blonds grands à figure allongée, à peau blanche, aux yeux clairs. Il se demandait s'il n'était pas en présence des Bretons pur sang signalés par le docteur Baudichon. C'était bien la peau jaune pâle, les cheveux noirs, les yeux bruns, les formes massives, le crâne osseux décrit par le docteur. Encore un sujet de recherche pour Siegfried lorsqu'il aurait la liberté d'en faire. L'église était fermée. On ne vit que le portail, la porte centrale en ogive et la rose portée sur une arcade trilobée à jour. Elle est du XIVe siècle. De Plomeur, où l'on voit une tombelle, des lecs et des menhirs, jusqu'à Pinmar, on traverse une région si riche en monuments mégalithiques qu'on en voit un certain nombre sans quitter la route. Les arbres courbés à mi-hauteur par la violence des rafales indiquent la prédominance des vents de l'ouest et du sud-ouest. Un sol sablonneux, des ruines coupées de touffes de tamaris d'où émergent quelques sombres maisons fortifiées, des églises couronnées de créneaux et de machicoulis, plus loin des roches brunes battues par la mer. C'est Pinmar, le Pinmar d'aujourd'hui, bien différent de la riche cité d'autrefois. Il y a 4 siècles, Tréhoultré Pinmar, qui étendait son commerce jusqu'aux Asturies, marchait de pair avec Nantes. Les habitants formaient une république indépendante. Tourmentés par les fréquentes descentes des pirates anglais sur la côte, ils fortifiaient leurs maisons, les accostaient de tourelles et d'un petit beffroi pour sonner l'alarme, les entouraient de murs et de machicoulis. Au XVIe siècle, un ennemi plus redoutable que les pirates désolait la contrée. C'était Fontenelle qui tenait pour la Ligue et commettait une foule de déprédations à la faveur de la guerre religieuse. On fortifia l'église Sainte-Nonne et celle des maisons particulières qui ne l'étaient pas encore. Précaution vaine, Fontenelle fondit sur la ville, la prit et la dévasta. Lorsque Sourdéac la reprit pour le roi 2 ans plus tard, en 1597, tous les habitants furent passés au fil de l'épée. C'en était fait de Pinmar. Un affaissement de la côte, un raz de marée qui, au XVIe siècle, éloigna le banc de morue, source de la fortune de Pinmar, combla les ports et détruisit une partie de la ville, avait commencé la ruine. Il fallut la main des hommes pour l'achever. Fontenelle et Sourdéac, le brigand et le bourreau. Des 6 paroisses de Pinmar, les 2 plus importantes étaient Tréhoultré et Quéritty, distantes de 2 kilomètres. C'est à Quéritty qu'on se rend aujourd'hui, d'abord parce qu'il est plus près de la mer, ensuite parce qu'il a une auberge, un hôtel, devons-nous dire, dans lequel habitent les peintres qu'attirent la grandeur sauvage des sites de la côte. Quéritty possède une singulière église bâtie au XIIIe siècle. Elle aurait, dit-on, appartenu aux Templiers qui avaient là une commanderie. Cette église n'a qu'un collatéral. Son portail ouest est surmonté d'une tour carrée fortifiée, pareille à celle de toutes les églises de Templiers, mais avec une petite tour ronde à coller. Elle est sous l'invocation de Sainte Tumette, l'une des compagnes de Sainte Ursule. L'intérieur en est fort délabré. Les autres églises sont Saint-Pierre, édifice du XVe siècle, Notre-Dame de la Joie au bord de la mer, Saint-Fiacre, Sainte-Nonne, dont nous reparlerons plus loin, et Saint-Guénolé. Madame Thouvenin n'était pas vraiment heureuse depuis qu'elle était en Bretagne. Elle détestait le vent et la brise de mer ne cessait de souffler très fraîche. Elle avait horreur de la pluie et elle n'était pas plus tôt dehors qu'une averse éclatait. Avec cela, pas de mer, une eau dormante à faire croire que les récits de tempêtes sont de pures imaginations. Ce jour-là, il avait fait très beau jusqu'à l'arrivée à Kériti. Après 2 heures passées dans une de ces voitures excentriques connues de ceux-là seuls qui ont parcouru la province en touriste, on n'est pas fâché de faire un bout de promenade. Voilà donc nos gens partis dans la direction du phare, cherchant Notre-Dame de la Joie, sous l'escorte peu désintéressée des gamins du village. Pendant qu'ils discutaient à propos de cette église, la pluie se mit à tomber menue et pénétrante. « Encore ! » gémit Madame Thouvenin. La masse de l'église pouvait les garantir du vent. Ils se blottirent tous les trois contre la muraille, dans la mince bande de terrain protégée par l'avance du toit, fort peu reconnaissant envers Notre-Dame de la Joie de l'abri qu'elle leur donnait. Une éclaircie se produisit à propos pour leur permettre de regagner Kériti et les rochers de la pointe de Pinmar. On leur avait recommandé de ne point s'y aventurer de peur des lames de fond qui, se glissant sournoisement dans les fissures des roches et s'y trouvant à l'étroit, jaillissent soudain, enveloppent le promeneur imprudent de leurs replis écumeux et le portent à l'abîme. Inutile de dire que Madame Thouvenin se railla des recommandations malgré la croix de fer encastrée dans le roc à l'endroit où 5 personnes ont péri. Elle n'alla pourtant pas trop loin au-delà de cette croix et ne souffrit pas que son fils la dépassât. Siegfried fit ce qu'il voulut, mais ayant constaté qu'à certains endroits on pouvait être pris par derrière lorsque la vague, en se retirant, sortait des anfractuosités profondes dans lesquelles elle s'était engouffrée, il battit en retraite. Les promeneurs quittèrent les rochers pour gagner l'anse de la torche. On enfonçait jusqu'à la cheville dans le sable fin et mouvant. Pour comble d'ennui, le vent fraîchissait. La pauvre Madame Thouvenin était dans une situation lamentable, retenant son chapeau d'une main, ses jupes de l'autre, avançant péniblement dans le sable. Bientôt la pluie s'en mêla et la torche, ce grand rocher tout droit qui donne son nom à la baie, n'était pas encore en vue. Étouffée par la rafale qui lui soufflait au visage, décoiffée, trempée de pluie, la jeune femme déclara résolument qu'elle n'irait pas plus loin. Elle était si défaite qu'Emmanuel prit peur. Kériti était loin et par ce mauvais chemin, comment faire? Siegfried commença par la guider hors de la grève et, debout sur un rocher, s'orienta. Le chemin n'était ni long ni difficile pour gagner Sainte-Tumette. Il décida Madame Thouvenin s'y laisser conduire pour attendre sous le porche qu'il ramena la voiture de Kériti. En repassant à Tréhoultré, Emmanuel et Siegfried descendirent de voiture pour visiter Sainte-Nonne. Madame Thouvenin ne voulut même pas jeter un coup d'œil sur l'extérieur de l'église, qu'elle avait cependant déclarée fort originale le matin même. La façade est précédée d'une grosse tour carrée soutenue de contreforts. Des navires sont sculptés sur la grande arcade ogivale du portail, dont les voussoirs sont profondément refouillés en feuilles de vigne. Une date, 1508, est gravée dans la pierre. C'est sans doute celle de l'érection du portail, car le reste de la construction est du XVe siècle. Ce qui donne à Sainte-Nonne sa pittoresque originalité, c'est sa tour carrée, couronnée de créneaux, et surtout le petit clocher à flèche ajourée qui s'élève au milieu de l'édifice. « Vraiment, tu ne veux pas entrer ?» demanda Emmanuel. « Ni venir voir la façade ? Bien vrai ? Bien vrai ?» Elle ne voulait qu'une chose, aller vite à Audierne pour en repartir plus vite encore. Emmanuel s'éloignait à regret. Il n'avait vu ni la torche ni les étaux, ces récifs creusés de grottes qu'on parcourt en bateau à marée basse, ni le flot battant les rochers et les couvrant d'écume avec un bruit semblable aux détonations lointaines du canon. Pour tâcher de se consoler, il se peignait la baie d'Audierne d'après un auteur célèbre, avec une plage sableuse régulière comme une grève méditerranéenne, mais désolée comme les rives du Spitzberg. Il n'y vit rien de plus désolé qu'ailleurs sur les côtes du Finistère, pas un arbre ni un brin de verdure sur les points que le vent de mer dessèche. Sur les autres, une herbe rare mêlée d'ajoncs, de staticées et de bruyères. Audierne causa au contraire une surprise agréable à Madame Thouvenin. Très satisfaite d'y trouver ce qu'elle n'avait pas encore rencontré depuis qu'elle avait quitté Paris, une chambre confortable et gaie, avec un cabinet de toilette bien aménagé. La ville était en fête, c'était le jour de la bénédiction de la mer, des barques pavoisées portant les corporations et les confréries, dont les bannières flottaient à l'avant, voguaient sur le Goyen, précédées du bateau monté par le clergé. Sur le quai qui borde le port du côté de la ville, sur la longue jetée de granit qui va jusqu'à la pointe raoulique, le reste de la population s'égrenait pour assister au départ et au retour. La procession glissa sur les eaux calmes de la petite rivière jusqu'à l'endroit où celle-ci disparaît dans l'océan. Là, toutes les barques s'arrêtèrent, les prêtres dirent les oremus et donnèrent la bénédiction. Les barques groupées autour de celles du clergé s'ouvrirent pour que les prêtres puissent reprendre la tête, et le retour s'effectua. Dans la brume nocturne qui commençait à s'amasser, c'était un spectacle étrange que celui de ces esquifs chargés de passagers qui s'avançaient lentement et sans bruit. Ça et là, dans la buée nacrée montant des flots, éclatait l'or d'une châsse ou d'une statue de sainte, la broderie d'une bannière, tandis que, sous leur mousseline blanche, les filles de la Vierge, assises autour d'une Notre-Dame des flots dont le diadème de saphir lançait de pâle feu, faisaient penser aux fantastiques apparitions des Vierges de nuit dans les ballades. Après ce beau soir, la tempête souffla jusqu'au matin, laissant après elle un de ces impénétrables brouillards qui forment comme une sorte de muraille au bord de la côte. Emmanuel ne put, comme il l'avait espéré, embrasser la baie tout entière du regard avec plus de liberté d'esprit qu'il ne l'avait fait la veille lorsqu'il avait regardé la procession du haut de la jetée. Il passa les heures du matin à errer avec Siegfried le long des quais et de la rue principale, écoutant ce que son précepteur lui disait de l'ancienne richesse d'Audierne lorsque la morue venait sur nos côtes et de son industrie actuelle. Aujourd'hui, Audierne n'a plus l'opulence, mais l'aisance lui est restée. D'Audierne à la pointe du Raz, on suit une route monotone qui traverse Plogoff, dont on voit longtemps avant de l'atteindre le clocher ajouré, puis Leskov, le dernier village de la région. À Leskov, les hommes ne s'occupent que de pêche, l'été la sardine, l'hiver le bar qui fréquente les roches de la pointe du Raz. Les petits jardins peu fertiles qu'on voit auprès de chaque maison sont cultivés par les femmes. À la rentrée des barques, on évalue la pêche et l'on fait le partage. D'abord la part des veuves et des orphelins, puis celle des ouvriers, et enfin celle des propriétaires de bateaux. Ceux-ci ne sont pas toujours les mieux partagés, car on a fixé pour les veuves et les ouvriers un minimum qui ne peut être dépassé. Les produits de la culture sont mis en commun comme ceux de la pêche, et répartis d'eux-mêmes. « Comme ça, disait un pêcheur qui donnait ses explications à Siegfried, en trottant à côté de la voiture, personne n'est riche chez nous, mais personne n'y est tout à fait pauvre, quoique le pays soit rude tout de même. L'ajon est rare et tout petit, la bruyère est clairsemée, c'est pourtant cette lande pelée qui nous fournit tout notre chauffage. Regardez bien autour de vous, pas un arbre, le vent est trop fort, il les casserait et la terre est trop aride, elle ne pourrait les nourrir. » Sans guide, il serait dangereux de faire le tour de la pointe, mais vraiment les guides paraissaient un peu trop nombreux à Siegfried, pendant qu'il comptait ses protecteurs du coin de l'œil, supputant in petto le nombre des pièces de 10 sous qu'allait lui coûter sa sécurité. Tout le village était là, séparé en 3 bandes dont chacune entourait un des voyageurs. Ceux qui ne pouvaient faire un rempart de leur corps au bord de l'abîme, tendre la main aux touristes pour les aider à escalader un bloc plus haut que les autres, ou les soulever pour les lancer à un camarade prêt à les recevoir, en haut d'un escarpement, montraient du doigt en les nommant les accidents de la côte, les îles, les écueils, les phares. On s'arrêta d'abord à l'enfer de Plogoff, vaste abîme en forme d'entonnoir, ouvert entre des roches granitiques rougeâtres d'une hauteur énorme. Pied contre pied, les bras étendus formant une balustrade, deux jeunes gens se placèrent à l'extrême bord de la roche pour que Madame Thouvenin pût se pencher sans danger et sonder du regard l'abîme dans lequel les vagues se précipitent avec un effroyable mugissement. Quand la mer a beaucoup d'eau, mais à ce moment elle était vide, l'eau étant en Amérique, dit un des guides indiquant, sans s'en douter, un des grands phénomènes encore mal expliqués de la météorologie. Ensuite, ce fut la table des cormorans, rocher plat autour duquel tourbillonnent les vagues. Un de ces oiseaux pêcheurs se tenait là, immobile, absolument comme s'il eût voulu justifier par sa présence l'appellation de la roche. Deux ou trois marsouins non moins bien appris se livrèrent à leurs ébats, sautant, se poursuivant, au grand plaisir d'Emmanuel. En face de l'extrême pointe, haute de 80 mètres, sur un des récifs qui forment la chaussée de Saint, le phare d'Armen, et au loin, à l'horizon, environné de brouillard, l'île de Saint elle-même, célèbre par son oracle de druidesse. À gauche, Audierne et Pinmar. À droite, les rochers de la pointe du Vent, de la baie des Trépassés, et de la pointe de la Chèvre, la pointe Saint-Mathieu, le Conquet, Ouessant, et partout, la plus belle étendue de mer qu'on puisse imaginer. Les récifs de la vallée de Saint, qui vont en s'abaissant jusqu'à l'île, sont presque toujours submergés et font courir les plus grands dangers aux navigateurs auxquels ils ne laissent qu'une passe navigable de 25 mètres de large, signalée par le phare d'Armen. Ce phare a été bâti au prix d'efforts inouïs et grâce surtout au dévouement des pêcheurs de l'île de Saint sur l'un des écueils les plus occidentaux de la chaussée. Munis de ceintures de sauvetage portant leurs outils, les pêcheurs guettaient sans cesse les occasions d'accoster. Dès qu'une circonstance favorable se présentait, ils descendaient sur la roche, s'y couchaient, cramponnés d'une main et travaillant de l'autre avec le fleuret ou le marteau. À chaque minute, la lame déferlait par-dessus leur tête et les couvrait d'eau et d'écume. Souvent même, elle arrachait l'homme au récif et l'entraînait au large avec toute la violence du courant. Une barque allait chercher aussitôt ce malheureux ouvrier et le ramenait au travail. Ce phare de second ordre a 28 mètres, 80 centimètres de hauteur. Siegfried s'agitait aux mains de ses guides, essayant vainement de leur échapper. Pour le rappeler à la réalité, les braves gens lui indiquèrent la place où un artiste de l'opéra, M. Lassalle, un gros monsieur pour qui le chemin était déjà dangereux avec des guides, avait voulu marcher tout seul et s'était cassé un bras en tombant. Madame Thouvenin était déjà assise dans une excavation qui peut à la rigueur représenter un siège. On appelait ça la chaise du géant, lui apprit son principal guide, interrompant le récit qu'il lui faisait de sa vie d'artilleur à bord d'un navire de l'État. On a changé ce nom-là depuis qu'une dame est venue s'y asseoir pendant une semaine pour contempler la mer. On l'amenait tous les matins, on la ramenait tous les soirs, et il nomma une étoile théâtrale de première grandeur. Madame Thouvenin chercha un mot sur ce siège d'un géant devenu celui de la tragédienne au talent immense, ne le trouva pas, eut un bâillement de lassitude ennuyée et se laissa de nouveau balloter sans résistance aucune par son escorte. Le tour de la pointe était achevé, mais non pas l'excursion. Traversant la lande au pied du phare de Sizun, on se rapprocha de la baie des Trépassés, enfermée entre les écueils de la pointe du Rat et ceux de la pointe du Vent. À l'extrémité d'une roche qui s'avance dans la mer, on voit comme une statue couchée. C'est la roche aux moines. Ce moine, dont personne ne sait le nom et qui vivait à une époque indéterminée, avait lassé le ciel par ses déportements. Un jour qu'il poursuivait une de ses victimes, le sol disparut sous ses pas. Il se rejeta en arrière et tomba changé en pierre, couché dans son froc, le capuchon rabattu sur le front, tel qu'on le voit aujourd'hui. Au-delà, c'est la baie des Trépassés. Il faut se garder d'y passer la première nuit du mois noir, novembre. On mourrait d'horreur au milieu de ceux qui sont morts en mer et qui s'y réunissent. L'ex-canonnier baissait la voix pour raconter ce sinistre meeting à Madame Thouvenin, très scandalisée de la voir sourire. À cette explication imaginée par quelques conteurs macabres, on en oppose trois autres assez plausibles. C'est là, paraît-il, qu'on embarquait les druides après leur mort pour être enterrés dans l'île de Sein. Les tempêtes y sont fréquentes, c'est un lieu de trépas. Enfin, les courants pousseraient en ce lieu les noyers de l'Iroise. Au fond d'une petite crique, sur la droite, les guides firent remarquer une eau miroitante. C'est l'étang de Loual, dont les eaux douces alimentaient la ville d'Is, submergée au 5e siècle. On dit comme ça qu'on n'est pas sûr que cette ville ait existé, disait l'ancien matelot. Pourtant, c'est une preuve, ça. À quoi aurait servi cet étang d'eau douce, si proche de la mer ? Madame Thouvenin, ne suivant pas bien le raisonnement, négligea d'y répondre. Elle fit volte-face aussitôt qu'elle put et s'arrêta au pied du phare pour payer ses guides. L'érudition est une admirable chose lorsqu'elle est en sa place. Siegfried jugea qu'elle l'était, ce qui l'amena à dire que le cap Sizun, extrémité de la pointe du Raz, n'était autre chose que le Gobeum Promontorium de Ptolémée d'Alexandrie. Le cocher considéra longuement un monsieur si savant, n'étant pas accoutumé à entendre les voyageurs donner des noms latins aux mille et une pointes de cette côte déchirée. Son admiration ne connut plus de bornes lorsque, sur la route d'Audierne à Douarnenez, il l'entendit détailler l'église de Pont-Croix en des termes qui, pour lui, garçon de ferme en tout temps et cocher à l'époque du passage des touristes, n'était, comme on dit, que du haut allemand. Lui qui était du pays savait que l'église est très vieille, ce qui lui suffisait. Et voilà que ce monsieur de Paris racontait qu'elle datait du XIIe siècle avec autant d'aplomb que s'il l'eût regardé bâtir. En réalité, la partie la plus ancienne n'est pas la plus remarquable. Ce qui mérite l'attention, c'est la grande ogive du porche, surmontée d'un gable très aigu, découpés en rosaces splendides aveugles et les gros contreforts en pyramide du porche, tout ouvrés de trèfles et de quatre feuilles. Un peu plus loin, Notre-Dame de Confort, église du XVIe siècle, et son calvaire triangulaire arrêtèrent un instant les voyageurs, puis par une série de montées et de descentes qui occupèrent fort le cocher, on atteignit enfin Douarnenez.